بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile à l'éclat pénétrant. Il n'est point d'âme qui n'ait un gardien. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Que l'homme considère donc à partir de quoi il a été créé. Il a été créé d'un liquide éjaculé, sorti d'entre les lombes et les côtes. Certes, Dieu est parfaitement capable de le ressusciter. Le jour où seront sondées les pensées secrètes, alors l'homme n'aura ni force ni secoureur. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. Ce Coran est certes une parole décisive, et non point une plaisanterie frivole. Les gens complotent, mais j'ai moi aussi mon stratagème. Accorde donc, ô prophète, un délai au négateur. Accorde-leur un répit pour un temps.